Des personnalités russes ont dévoilé l'injustice de la campagne des Américains et des pays satellites autour des droits de l'homme contre la République populaire démocratique de Corée. Le chercheur supérieur du Centre d'études de la Corée près l'Institut de l'Extrême-Orient de l'Académie des sciences et le secrétaire de la science de l'Association d'études du kim-il-sunisme, kim-jong-ilisme de l'Extrême-Orient ont révélé l'illégalité des résolutions de l'ONU sur les droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée. Ils ont soutenu que les rapports des droits de l'homme sont pleins de mensonges tout à fait contraires à la réalité de la Corée du Nord et que les déserteurs du Nord et ceux qui ont écrit les rapports ont reconnu l'invention des contenus. Ils ont souligné qu'il est important que les États-Unis et l'Occident sachent la réalité de la Corée où le peuple jouit de tous les bienfaits sociaux avant de faire du vacarme du problème des droits de l'homme.